Quand j'étais tout petit dans mes rêves, je me voyais là où je pars en vacances. Putain, à l'époque on était rêve. Pas beaucoup d'amour et beaucoup de délinquance. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. Un million de parloirs et puis des salles d'attente. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. Ces fils de pute, ils savent à quoi s'attendre. K.O. par terre, le rêve de beaucoup. Avant qu'ils fassent marche arrière, ils ont misé le tout. Slalom pour les éviter. Ils parlent beaucoup quand les verres s'évident. En vrai, s'ils nous veulent mort, c'est parce qu'ils peuvent pas nous imiter. Je sais ce qu'est une parole blessante. Je ressens la haine, je ressens l'essence. Mon cœur est tellement froid qu'en juillet, je suis habillé comme en décembre. Je suis comme tout le monde, j'entends les rumeurs. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Et mon putain de téléphone qui sonne 3400 fois en moins d'une heure. Des fois, j'ai envie de débrancher. Même si ça me donne à manger. Je sais que t'es qu'un fils de pute. La question, dois-je venir me venger? J'étais tout petit dans mes rêves. Je me voyais là où je pars en vacances. Putain, à l'époque on était rêve. Pas beaucoup d'amour et beaucoup de délinquance. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. Un million de parloirs et puis des salles d'attente. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. Ces fils de pute, ils savent à quoi s'attendre. Saddam Hussein, Rina, François Bess. Et tout le monde dira, on la baise. William, vous le baisse. Vomar, vous me blesse. Tu viens pour briser le cou, le tien repart avec une laisse. Je sais que Dieu m'a jusqu'au fond du cœur. Justement, le vote est rempli de sang noir. T'as voulu m'attaquer dans le dos, mais Dieu m'avait donné un miroir. Je vois le succès, je refais d'y croire. Je me renferme dans ma tour d'ivoire. Et quand je suis devant 10 000 personnes, bah, je ferme les yeux, je fais semblant de voir. Mais pourquoi déjà le style ne sent-il pas content pour toi? Dis-moi. Pourtant, tu reviens de chez les morts, ta place est chez les rois. Dis-moi. Pourquoi la vérité n'est pas toujours ce que l'on croit? C'est pour ça que le prédateur se fait tuer par demi-proie. La grippe. Quand j'étais tout petit dans mes rêves, je me voyais là où je pars en vacances. Putain, à l'époque, on était rêve. Pas beaucoup d'amour et beaucoup de délinquance. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. Un million de parloirs et puis de salles d'attente. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères. On a souffert, on a niqué des mères.